Alors expliquez-moi ce qui se passe. Je viens du futur, dans une machine à voyager dans le temps que vous avez inventée. Vous êtes fou, mon petit. Ça marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire. Une pression en avant, et la machine se déplace vers le futur. Une pression en arrière, vers le passé. Bon, très bien. L'anachronique culturelle. Vers l'infini et Mathilde Serrel. Atterrissage réussi en 1998. Le cas Houellebecq est estampillé événement de la rentrée littéraire. Son roman divise la critique et s'arrache dans les librairies sous le beau titre des Particules élémentaires. Se profile en fait un grand roman réactionnaire et politiquement peu correct. En cette rentrée littéraire, on dirait qu'il se passe enfin quelque chose. Un certain Michel Houellebecq divise avec ce livre qui est déjà en tête des ventes et favori pour le Goncourt, Les Particules élémentaires. Depuis extension du domaine de la lutte, il y a 4 ans, le dit Houellebecq est devenu le nouveau romancier à suivre. J'ai 28 ans, je suis toujours puceau. Pourquoi tu vas pas avoir des putes? Décidément, dans nos sociétés, le sexe représentait bel et bien un second système de différenciation. Tout à fait indépendant de l'argent. Tout comme le libéralisme économique sans frein et pour des raisons analogues, le libéralisme sexuel produisait des phénomènes de paupérisation absolue. Certains faisaient l'amour avec des dizaines de femmes, d'autres avec aucune. C'est ce qu'on appelle la loi du marché. Il faut dire que le pari littéraire ne parle que de formalisme et de style depuis des décennies. La dernière révolution doit dater du nouveau roman. Il y a bien l'autofiction qui agite un peu les commentateurs, mais c'est histoire de se trouver un genre nouveau siècle. Et oui, l'an 2000, c'est demain. Ça y est, tout le monde a réservé son réveillon. Ça y est, l'an 2000, c'est pour de bon. Les classes moyennes, le capitalisme ultralibéral et la misère sexuelle, ça n'existait ni dans les romans, ni vraiment dans l'air du temps. Encore plus que le livre, c'est l'affaire Houellebecq qui occupe les conversations. Racisme, eugénisme, les propos de ses personnages, Bruno et Michel, lui sont imputés. Comme si le réalisme du roman lui avait fait perdre son statut de fiction. Au soir du 15 juillet, il téléphona à Bruno. Bruno Clément, son demi-frère. Sur un fond de jazz cool, la voix de Bruno émettait un message subtilement second degré. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Bruno Clément, vous pouvez me laisser un message, vous pouvez également aller vous faire enculer. De toute façon, dans ce pays où on range les écrivains à gauche ou à droite, ce Houellebecq ne rentre pas dans les rayonnages. Il vient de se faire virer du comité de la revue de gauche Perpendiculaire. Résultat, le Figaro de droite le soutient, alors qu'ils avaient parlé au départ dans leur critique d'interminables porno-misères. Les Perpendiculaires viennent de riposter avec une tribune publiée dans Le Monde, Houellebecq et l'ère du flou. Il l'accuse d'encourager la lepénisation des esprits. Plus elle est mise en échec, plus la lecture politique de son livre occupe le débat. À qui a-t-on affaire? J'ai décidé d'aller lui parler au calme avec le journaliste Sylvain Bourmeau. Je ne suis pas contre les attaques pertinentes, par exemple. J'ai pas lu le livre de Nancy Houston, là, professeur de désespoir, mais sa thèse me paraît juste. Elle a raison de me classer, ainsi que Thomas Bernard, dans une lignée post-schopenhauerienne de professeurs de désespoir. En revanche, le nouveau réactionnaire, c'est... Fondamentalement, dans tous mes livres, il y a l'idée que tout est irréversible. Enfin, aussi bien la destinée des personnages que celle des sociétés, quoi. Un réactionnaire, c'est quand même quelqu'un qui pense souhaitable de revenir à un état antérieur. Mais pour penser quelque chose comme souhaitable, il faut déjà le penser comme possible. Alors j'ai l'impression qu'au contraire, mes livres sont totalement pénétrés du caractère irréversible de toute mutation, quoi. Pour ma part, j'ai l'intention de faire un voyage dans le futur. Transportation réussie. Vous êtes de retour au 21e siècle. Ce que l'on peut dire, 2 décennies et un prix Goncourt plus tard, c'est que l'affaire Houellebecq de 1998 est la matrice de toutes les polémiques Houellebecq à venir. Agathe Novak-Lechevalier, universitaire houellebecquienne. C'est-à-dire que c'est vraiment une date centrale. 98, c'est ça qui va propulser Houellebecq dans le maelstrom médiatique, mais c'est aussi ce qui va poser pour très longtemps les jalons d'interprétation de son œuvre et les polémiques qui s'en suivent. Alors, en effet, on pourrait se dire, ça a commencé en 98 avec les particules. Il y avait des choses qu'on lui a reprochées à ce moment-là qui trouvent leur vérification ici. En réalité, je crois que il y a plusieurs choses. Houellebecq est véritablement en empathie avec l'époque, avec son siècle. Et il rend compte des dérives, qui sont celles de son siècle aussi. Ben, je veux dire, je ne dis pas ce qui va arriver. Je dis ce qui fait peur aux gens. Donc m'accuser d'exploiter une peur, c'est vrai. Je repère autour de moi l'existence d'une peur, je la retranscris dans un livre. En fait, mon sujet, c'est ce que les gens ont dans la tête. Depuis 20 ans, à chaque nouveau roman, une reproduction grossissante s'opère. Celle des débats de 98 sur le non-style de Houellebecq et sur ses opinions politiques. Elle s'affiche désormais dans des journaux très à droite, comme Valeurs Actuelles. Michel Houellebecq, comme souvent en ce qui vous concerne, la polémique monte. Est-ce que vous aimez ça finalement, la polémique, parce que vous semblez la chercher ? Je peux pas dire que j'aime, hein, mais je fais pas non plus d'efforts pour l'éviter, quoi. Disons que je vais pas éviter un sujet parce que je sais qu'il est polémique. Faut essayer de tout traiter. Il faut quasiment se référer à Balzac pour comprendre ça. Balzac qui écrit, qui est un des grands, grands modèles de Houellebecq. Balzac qui écrit juste après la grande fracture révolutionnaire au début du 19e siècle et qui est le premier à dire, ben voilà, les contemporains à ce moment-là jugent que le monde est complètement illisible. Et Balzac dit, moi je vais rendre compte du monde, justement. Je vais vous expliquer comment ce nouveau monde auquel personne ne comprend rien fonctionne. Et c'est le roman qui est le plus propre à faire ça. Il y a aussi ce travail très, très étonnant qui articule le réalisme et la science-fiction. C'est-à-dire qu'on est dans un univers qui nous semble extrêmement réel et puis tout d'un coup, on bascule vers le futur. Ce travail d'articulation-là, personne n'avait vraiment effectué auparavant. Et ça dérange, ça déstabilise nos habitudes de lecture. Dès 1998, ce qui dérange au fond, c'est cette combinaison entre réalisme et science-fiction, entre une littérature du désespoir sans aucune consolation formelle et une littérature du tube à essai qui teste des hypothèses. La figure du mage Houellebecq était née. Aujourd'hui encore, les peurs du monde tel qu'il va permettraient donc à Houellebecq d'entrevoir les angoisses du monde tel qu'il vient et les plus immorales d'entre elles. Anticipation ou provocation, telle est encore la question. Les héros de Houellebecq sont vraiment à distance du monde, ne peuvent pas adhérer au monde contemporain tel qu'il va. Et c'est dans cette distance-là que les gens se reconnaissent. Quand on est un grand écrivain, on a plus de responsabilités. Est-ce que vous le ressentez ou est-ce que, au contraire, vous revendiquez une liberté totale ? Je vois pas d'exemple où un roman ait changé le cours de l'histoire. C'est autre chose qui change le cours de l'histoire, c'est des essais, le manifeste du Parti communiste, des choses comme ça, mais pas des romans. Ça se produit jamais en pratique.